Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Que fait le maire ? Une série de Martine Abatte réalisée par Assia Khalid et Julie Béressi. Au départ de cette série, il y a l'envie de comprendre en quoi consiste la fonction de maire et pourquoi il démissionne de plus en plus. Il y a aussi l'idée d'explorer tous les territoires et de voir comment ils sont administrés. Et puis, de comprendre que parfois, un maire aussi peut se faire virer. Alors pour commencer, les personnages. Un libraire pas naïf, un garagiste qui s'accroche, deux habitantes écœurées, une ex-première adjointe qui voit les choses autrement, un maire qui a vidé les caisses, un pharmacien qui hésitait, un maire en apprentissage, une retraitée qui en a vu d'autres, et des habitants déterminés. Ensuite, le décor. Tournus, des commerces fermés, une association déterminée, 6000 habitants, un centre commercial cannibale, un petit cinéma, un ancien dancing, un programme électoral, une démission collective, un conseil municipal, des réunions publiques, une révolte, un terrain à construire, des chardons et des coquelicots. Aujourd'hui, deuxième épisode, on cherche une place dans la salle. Bonsoir tout le monde. Alors merci à tous d'avoir fait le déplacement. Je vais vous faire une petite intervention pour faire un point de la situation, mais très rapide. Et puis ensuite, on prendra le temps qu'il faut pour répondre à vos questions. Voilà, sur l'éclairage, sur le désherbage, sur tout ce que vous voudrez, il n'y aura pas de sujet tabou. Que fait le maire ? Aujourd'hui, Tournu, putsch citoyen à la mairie. Juillet 2018, réunion publique à Tournu, 6000 habitants en Saône-et-Loire. Alors, je voudrais remercier les 13 conseillers municipaux qui ont démissionné il y a un an et qui ont évité, franchement, avec 8 mois de recul, on peut le dire, qui ont évité que le bateau Tournu ne se fracasse contre un écueil. Alors, ça a été chaud. On n'a pas mesuré, il y a un an, à quel point cette décision elle était importante pour la ville de Tournu. Comme de nombreuses villes moyennes en France, Tournu est une ville qui s'éteint. Sa population diminue, l'habitat du centre-ville est dégradé avec beaucoup de logements vacants. Les habitants, surtout les plus aisés, ont préféré construire un pavillon en périphérie ou vivre dans un lotissement qui les oblige ensuite à emprunter constamment leur voiture. Les services publics, postes, impôts, sécurité sociale ont déserté et de nombreux commerces ont tiré le rideau. Tournu vise ce qu'on appelle la dévitalisation de son centre-ville. Pour masquer les dizaines de boutiques fermées, des autocollants très colorés, appelés vitrophanies, ont été placardés sur les vitrines par l'ancienne équipe municipale. On y voit des images de magasins aux étalages attractifs pour faire illusion. Pourtant, dans le centre-ville de Tournu, des commerçants résistent encore. Boucherie, boulangerie, restaurant, optique et même une librairie, celle de Gilles Lacroix. Ingénieur licencié de l'usine Kodak de Chalon, liquidée en 2010, il a ouvert sa librairie avec sa prime de licenciement et embauché une vendeuse. C'est lui qui commence ce récit d'un putsch citoyen contre un maire affairiste. Chapitre 1. Pour redonner vie à votre ville, voyez les choses en grand et bâtissez un immense centre commercial. La municipalité précédente est arrivée un petit peu comme le chevalier blanc en disant « Oh là là, ça va pas du tout, le commerce est en train de mourir, nous on a une super idée pour revitaliser le centre-ville, on va vous créer un centre commercial de 20 000 m² en dehors de la ville et vous allez voir, ça va revitaliser le centre. » C'était leur idée. C'était leur idée, tout à fait. Ah, mais puis c'était plus qu'une idée. Là, ils étaient bien partis. Modification du PLU, etc. Quoi. Achat des terrains. Il y avait 20 hectares à acheter. Quoi. Et notamment, alors, pour revitaliser la librairie, ici, qui fait 120 m², ils créaient une librairie, un centre culturel Leclerc de 600 m². C'est certain que ça allait bien me revitaliser, moi. Ils allaient revitaliser mon collègue en face qui fait des articles de sport en créant un magasin de sport de 1000 m². Ils allaient revitaliser les magasins de chaussures en créant un ou deux magasins de chaussures 1000 m² chacun. Pareil pour l'optique. Enfin, ils allaient... On avait fait des calculs, la zone commerciale qu'ils allaient implanter en termes de surface au sol représentait non pas la surface des magasins qui sont là, mais la surface de tout le centre-ville. Donc ils allaient recréer une ville à l'extérieur. Tous les commerces quasiment de Tournu étaient impactés. Hervé Vendroux, garagiste. C'est-à-dire que le porteur de projet nous disait qu'il ne ferait pas concurrence au centre-ville, sauf que tout existait déjà à Tournu. Quoi. Tout était prévu dans le... Dans le projet, oui, il y avait un garage. Alors oui. Il n'était pas clairement défini, on ne le voyait pas trop sur les plans, mais il était dans la liste. Quoi. En général, ils y vont par étapes, c'est-à-dire qu'ils construisent déjà une partie, et puis petit à petit, ils développent. En gros, ils arrivent en disant, on va pas être trop gros, puis on s'aperçoit, le projet, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais je crois que c'était en gros un tiers de commerce et deux tiers de stockage. En général, un supermarché, c'est pas ça. Donc, on voyait bien qu'il y avait de la réserve foncière pour développer l'activité. Quoi. Donc, vous auriez eu un concurrent direct. Oui. Donc, on est déjà sur Tournu. On a déjà pas mal de garages sur le secteur. Donc, on est déjà assez concurrentiel. On est beaucoup concurrencé par Internet maintenant aussi, surtout pour ce qui est vente de pièces. Donc, ça faisait encore un en plus. Et en plus, c'était vraiment... identique à mon activité. Donc effectivement, j'avais un concurrent qui allait arriver directement, quoi, avec une force de vente et de marketing qui était autre que la mienne. Quoi. Donc, quand on en parlait à la mairie, ils nous disaient « Ah, mais vous n'avez qu'à aller là-bas », etc. Sauf qu'on sait très bien que les sites comme ça, c'est des loyers exorbitants et que c'est très difficile de rentabiliser son affaire derrière. Quoi. Donc c'était ma mort assurée, c'était à peu près sûr. Très vite, avec deux, trois commerçants, on a décidé de réagir, de créer une association qui s'est appelée Tournu Joie Vivante et qui avait deux buts. Le premier était de se battre contre ce centre commercial qui était complètement inepte, parce qu'au passage, il y avait déjà quatre grandes surfaces à Tournu. On était une des villes de France les mieux loties en termes de grandes surfaces. Donc elle avait deux buts, se battre contre l'implantation de ce centre commercial débile. Et en même temps, faire des propositions pour revitaliser la ville. Alors, très rapidement, on en est arrivé à 600 adhérents. 600 adhérents pour une petite ville de 5700 habitants, c'est quand même beaucoup. Hein, avec un point culminant, une manifestation lors d'un énième rendez-vous annulé du maire pour expliquer son projet, parce qu'il n'arrêtait pas de dire « je vais vous expliquer, vous allez voir, vous allez comprendre, je vais vous expliquer », puis à chaque fois il annulait. Hein. Et un jour on s'est retrouvé à l'abbaye, je ne sais pas si vous avez vu, on a une magnifique abbaye, et là il y avait 400, 500 personnes qui sont venues pour dire « écoutez, on n'en veut pas votre truc ». Ils étaient en colère les gens ? Très en colère, ah oui, très en colère. C'était oui. En avril 2017, oui. Oui, monsieur ? Je peux vous renseigner ? Vous n'avez pas des cuissons adhésifs pour coller sur les... Non, on a les petits manettes, là. Voilà, comme ça. Là, c'est pour coller sur un camping-car. Non, je n'ai pas. Ah, ouais. Je ne fais pas ça. D'accord. Et si la maison de la presse au-dessus ? Non. Ah bah, j'en ai pas. Là-bas. Alors, essayez un peu plus bas la petite fabrique. Ah oui. Voilà. D'accord. À l'office du tourisme, peut-être aussi, mais je ne crois pas. Mais essayez. Merci bien. Voilà. Au revoir, madame. Oui, ce qui s'est passé, si vous voulez, on est rentré lors de cette manifestation, on est rentré dans la salle à l'abbaye, oui, pour simplement faire une petite déclaration d'une cinquantaine de lignes, quoi. Et il y avait 200 personnes à l'intérieur. Le maire s'est drapé dans sa dignité à dire « Non, la démocratie, machin truc, vous ne parlerez pas, les gens qui sont là ont été élus, et on a voulu parler quand même. » Et il est sorti avec ses conseillers municipaux. Et dehors, il y avait encore... plus de monde qu'à l'intérieur. Il y avait 300 personnes dehors. Et là, les conseillers municipaux ont vu que, quand même, tous les gens qui étaient dehors, c'était pas des gens avec le couteau entre les dents, c'était des amis à eux, des gens qu'ils connaissaient, très bien, mais qui étaient là et qui étaient en colère, quoi, qui étaient pas contents qu'on leur démolisse leur ville. Parce qu'ils ont tous bien compris que c'était pas simplement uniquement un supermarché supplémentaire, mais c'était la mort de la ville, quoi. Parmi les raisons de cette mort lente des villes moyennes, on cite les modes de consommation des Français qui ont changé, le réflexe du tout voiture et surtout la multiplication des hypermarchés et centres commerciaux. Finalement, c'est autour de ces enseignes dotées d'immenses parkings que les services publics déplacent leurs guichets, que cinéma et salles de concert s'installent. Le rapport entre le centre et la périphérie s'est inversé. La France est le pays d'Europe qui compte le plus de ses surfaces commerciales par habitant. Et chaque année, ce sont 1 million de mètres carrés qui sont inaugurés. La bétonisation des pourtours de villes continue donc avec la bénédiction des maires et sans que l'État ne songe jamais à geler ce mouvement. Olivier Rasemont explique dans son ouvrage « Comment la France a tué ses villes » que cette organisation de l'espace modifie la vie des habitants, leur mouvement et le rapport qu'ils entretiennent les uns avec les autres, avec pour effet une dislocation des relations, avec des conséquences économiques, sociales et environnementales. Bertrand Vaux, maire de Tournu depuis octobre 2017. Alors, c'est toujours le même argument que vous voyez partout en France quand on construit un centre commercial, c'est l'emploi. C'est de dire, voilà, il y a du chômage, donc il faut créer des emplois. Et là, comme par magie, arrive un promoteur qui vous dit, moi, je vais vous créer 700 emplois. Alors, quand on creuse un peu, c'est plus 700, c'est 400, puis très vite, c'est 300, puis c'est 200. Et puis, au final, quand on lit tous les rapports d'études qui sont faits sur le sujet, on détruit plus d'emplois que ce qu'on crée. Par contre, on ne parle que des créations parce que ces promoteurs ne sont pas soumis à une étude de destruction d'emplois. Aujourd'hui, Tournu est une ville très commerçante. Il y a à peu près 120 commerces de proximité à Tournu, ce qui est énorme pour une ville de 6 000 habitants. Ce tissu, il est dynamique. Et vous savez, tous les emplois des commerçants qui sont gérants de leur commerce, ils ne sont pas comptabilisés dans les chiffres du chômage, puisqu'ils n'ont pas le droit au chômage. Mais pourtant, quand un commerce ferme et qu'un couple se retrouve à la rue, c'est quand même 2 chômeurs de plus, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc à Tournu, ces petits commerces, c'est le premier employeur de la ville. Une enquête de la Chambre régionale des comptes dira bientôt si le précédent maire avait un intérêt personnel à ce projet immobilier. Elle passe au crible ses liens avec le promoteur immobilier chargé du projet, filiale d'une société de grande distribution. Chapitre 2. Pour redonner vie à votre ville, commencez par raser le cinéma. Marie-Claude Duxin et Isabelle Magdinier, citoyenne de Tournu. Moi, quand je suis arrivée à Tournu, c'était comme un petit cœur battant de Tournu en plein brouillard un dimanche après-midi. Il n'y avait que ça d'ouvert dans la ville. Et donc, pour moi, c'était très important parce que c'est le seul équipement culturel qui fonctionnait tous les jours avec des publics très différents, mais des gens qui viennent parfois d'un peu loin, de 50 kilomètres. Parce qu'il y a une réputation de ce cinéma comme ayant une programmation vraiment intéressante. Et on a vu le moment où ça allait disparaître, Enfin, moi, ça fait une dizaine d'années seulement que je suis à Tournu. Et c'est vrai que ça fait partie, en choisissant de venir dans cette petite ville, parce qu'elle est très bien desservie, mais c'était aussi parce qu'il y avait ce cinéma. Ça a déclenché quand même l'achat d'une maison. Il n'y aurait pas eu ce cinéma, je ne suis pas sûre que je serais venue m'installer à Tournu. Avant même que le maire soit élu, l'ex-maire, dans ce programme, il parlait de détruire ce cinéma. Donc on s'était inquiété. C'est-à-dire, où va-t-il le reconstruire ? Est-ce qu'il va le reconstruire ? Est-ce qu'il va rester en régime municipal ? Donc on était vigilants. Ensuite, il y a un autre bâtiment assez important qui s'appelait le Madeleine Palace. Qui était un dancing, une salle des fêtes. Une salle des fêtes. Le Madeleine Palace. Donc il a dit, on va démolir ce vieux bâtiment. Il était à rénover, mais il avait l'avantage d'exister puis d'être en centre-ville. Et d'avoir toute une histoire. Il y a beaucoup de gens. Il y a eu, au moment de la fermeture, une soirée où tout le monde est venu témoigner de ce qu'ils avaient vécu dans ce lieu. Ça a été rasé. Ça, en fait, c'est quelque chose qui a alerté tout le monde, parce qu'il n'y avait plus de salle des fêtes à Tournu, alors que dans toutes les petites villes et les villages, c'est hyper important d'avoir une salle pour les associations, les lotos, les soirées dansantes. Et puis c'était l'unique salle de spectacle. Donc ça a été ravageur, je pense, pour l'ex-maire, parce que les gens se sont rendus compte que ça, c'était fini et que ça allait être pareil pour le cinéma. Alors le collectif, c'était un collectif d'usagers qui a été créé en, je pense, juin 2015. On a tout de suite associé la création à une information à la population. donc un court tract et une pétition à signer pour demander que le cinéma ne soit pas démoli, qu'on ait une garantie, en tout cas, que ce cinéma, il y aura un cinéma pérenne, en gestion municipale, avec une taille décente. On a eu un excellent accueil. Les jeunes disaient, mais le soir, il n'y a plus rien, il n'y a que le cinéma qui vit. Les personnes âgées disaient, on ne pourra pas aller, parce que le maire avait parlé d'excentrer. Donc, ils disaient, on ne pourra pas y aller à pied. Et il y avait vraiment un désarroi par rapport au fait que ce cinéma puisse ne pas rester en centre-ville. Pendant un an, on a été très, très actifs. On avait pensé faire à peu près une manifestation par mois. On avait monté une vraie machine de guerre, parce qu'on est arrivé à... Il y avait suffisamment de monde pour distribuer des tracts ou des lettres ouvertes dans toutes les boîtes aux lettres de Tournu, quoi. Et puis même dans les villages autour. Et en fait, les dossiers qu'on a faits au collectif, on les a systématiquement envoyés à tous les conseillers municipaux. On a vraiment inondé tous les responsables politiques de toute la région. Donc les sénateurs, députés, et on a eu quelques réponses. On a senti à un moment donné que nos dossiers étant très argumentés avec des chiffres tirés des conseils municipaux, pas des chiffres fantaisistes. On avait une sorte de légitimité et on était reconnus pour notre sérieux, en fait. Et ça a déstabilisé le conseil municipal, quoi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à nos fins. À Tournu, donc, le précédent maire Claude Roche, élu en 2014, avait vu les choses en grand pour ce centre commercial de 20 000 m², avec salle de concert de 2 800 places, pour un coût total de 5,5 millions d'euros. Colette Belgins, adjointe au maire dans la précédente équipe, nous le dit. Tournu avait à sa tête un maire qu'aimait bien raser. La facture de démolition se montera à 600 000 euros. Il y avait les ardents défenseurs du cinéma dans Tournu, au centre-ville, là où il est, faut pas le toucher. Et nous qui disions qu'il fallait le mettre dans un endroit plus dévolu à la culture, pas avec un grand C, mais on voulait faire un quartier qui bouge, éclairé, avec des parkings où les gens ne cherchent pas. Où mettre leur voiture quand ils viennent. Pour le cinéma, l'hiver, c'est terrible. Quand il y a 20 voitures ou 25 voitures qui sont garées dans la rue principale, eh bien, les autres vont place de l'Hôtel de Ville. Et puis après, il faut qu'ils aillent assez loin, soit vers le Palais de Justice. Et quand vous sortez du cinéma entre 22h30 et 23h l'hiver... C'est juste à côté. C'est trop loin pour l'hiver. Palais de Justice, c'est juste à côté du cinéma. Mais non. En pleine nuit, vous traversez la rue principale, vous traversez la place de la mairie et vous remontez jusqu'au palais de justice qui est là. Mais c'est trop pour des personnes d'un certain... Si, question sécurité. C'est pas une question de marché. C'est une question, les gens sont pas tranquilles. Ils vont plus sur le quai. Et vous connaissez pas Tournu. Mais la nuit, c'est jamais calme chez nous. Jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un coup de gorge? Non, il ne faut pas aller jusque-là. Mais il y a quand même des jeunes qui sont... Enfin, il y a de la délinquance, il y a beaucoup de drogue chez nous. Il y a des jeunes qui, pour un oui, pour un non, vont crocheter une porte ou essayer d'aller commettre... Comment on appelle ça? Un petit... Quand on rentre chez vous? Un cambriolage. Un petit cambriolage. Il y a des fois, ça tourne mal. Il y a des fois, les gens... Il peut se passer tout ça entre le parking... Mais je ne sais pas s'il peut se passer tout ça, mais les gens, pour eux, c'est loin. Je crois que ce qui a fait basculer, c'est quand même, je crois que c'est l'incompétence du maire, quoi, qui faisait des projets délirants et dont tout le monde. Parce qu'après, tous ces gens qui étaient élus, ils se faisaient interpeller au quotidien dans la rue et on leur disait, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible. C'est pas ça qui nous a fait partir. Hein. Ce n'est ni le cinéma, ni la maison, ni la salle des fêtes. C'est le projet Nord, Baraban, où on avait pensé, et c'était bien écrit pendant la campagne, faire une zone économique, je dis bien économique. Nous avons été élus sur cette idée. Et il n'y avait pas 2 mois, je pense. Oui, on était élus en avril, mai, juin. Oui, au mois de juillet, je pense. Il faisait très beau. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a entendu parler d'une grande surface, d'une galerie marchande et de certains... Hein, alors que nous, on en était resté à des entreprises, c'est tout. Le porteur de projet a été reçu en mairie. Et moi, je ne connaissais pas... Hein. Et j'ai dit au porteur de projet, ça je me souviens, il m'a regardé, j'ai dit écoutez, on n'avait jamais parlé de ça. Il m'a dit si, dans un premier temps, j'installerai des entreprises, et puis dans un deuxième temps, je mettrai le centre commercial. Et plus le temps passait, plus les choses s'inversaient. C'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'est dit non, on va droit dans le mur. Et puis alors, personne ne voulait de ça. Et de savoir que c'était Leclerc, c'était terrible. Et vous, vous étiez adjointe à quoi? Moi, j'étais la première. Première adjointe? Oui. Donc le bras droit du maire? Ah ben oui, c'était vraiment le bras droit. Moi, j'étais tout le temps là. Dès l'élection faite, on n'a pas du tout suivi notre programme. On espérait qu'on allait avoir quelques mois pour faire le tour de la ville, aller demander aux personnes qu'on rencontrait ce qui pour eux n'allait pas, ce qu'on pouvait faire pour améliorer, enfin prendre le temps. Et là, on n'a pas eu de temps, puisque très vite, on a eu sur la table des gros, gros dossiers. Des dossiers de démolition sur le site du Pas Fleuri, où on voulait faire une salle des fêtes, mais nous, on voulait quelque chose de... à la taille de la ville. Monsieur Roche voulait quelque chose d'immense. Les gens disaient que c'était démesuré. Comment vous expliquez que vous n'étiez au courant de rien? Je n'étais au courant de rien quand on a été élu. Du jour où on a été élu, on a commencé à voir tomber les dossiers sur la table. Et monsieur le maire, mais oui, c'était comme ça. Il arrivait dans son bureau, il s'installait, il prenait son téléphone et il était capable d'appeler la société qui avait démoli au Pas Fleuri en lui disant « Voilà, on continue et vous allez aller maintenant, rive gauche ». Démolir. Me démolir, sans jamais rien nous avoir demandé. Mais donc un maire, il peut décider seul. Il peut prendre des décisions de destruction seul. Ben, la preuve. Mais au bout d'un certain temps, on a dit stop. Comment alors? Ben, on s'est réunis à un certain nombre, tiens, souvent ici d'ailleurs. Et un beau jour, on a décidé qu'on allait lui dire en plein conseil qu'on souhaitait qu'il s'en aille. Alors donc, au bout d'un moment, je ne sais plus quel a été le facteur déclencheur. Mais il y a eu à une réunion où on était tous d'accord, on était 18. Le conseil suivant, on lui demandait de démissionner. On était 18 de la majorité. Et moi, j'ai présenté le document et j'ai dit à monsieur le maire, en fin de conseil, voilà, je veux prendre la parole. Et j'ai lu le texte qu'on avait tous préparé et signé. Il disait quoi? Il venait un peu blanc. Puis après, il a rigolé. Ah, le texte disait que donc, on lui demandait de s'en aller, que s'il était un homme d'honneur, il allait démissionner. On n'a pas été avec le dos de la cuillère. Hein. C'était en public? Ah, bah bien sûr, à la fin de la séance du conseil municipal. Moi, toute seule, avec tout le monde qui était à côté, et certains m'avaient dit, tu t'écartes un peu, on ne sait jamais, des fois. Que... Mais non, il n'a pas bougé. Parce que vous aviez peur physiquement? Bah, un coup comme ça, ça peut partir. Parce que vous étiez... Mais moi, j'y avais même pas pensé. Ah ben, moi, j'étais à côté de lui, hein, tout le temps. Oui, j'ai lu mon papier, tout le monde a applaudi. Lui, il a attendu que ça se calme. Il a grommelé, je sais pas quoi. Il a rigolé, il a dit moi partir, sûrement pas. L'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est on construit notre départ. Donc, c'est là que je vais rencontrer monsieur le préfet pour qu'il me donne les tenants et les aboutissants de la démarche, savoir combien il fallait qu'on soit vraiment de conseillers démissionnaires pour que cela enclenche des élections. Donc le soir du conseil, on a donné à monsieur le maire nos lettres de démission et ça a entraîné ipso facto les élections pour fin septembre, début octobre. Et la campagne s'est mise en route. D'abord, la municipalité. Gilles Lacroix a démissionné. Libraire. Et il y a une nouvelle municipalité qui a été mise en place, qui a été formée par des membres de l'association Tournujois Vivants, notamment le maire et quelques adjoints. Pas que eux, bien sûr. Hein. Donc des gens forcément à l'écoute de ce que pensent les commerçants, forcément à l'écoute de ce que pensent les gens. Quoi, comme par exemple le stationnement est maintenant gratuit dans toute la ville. Ça, c'est important, le stationnement. La question du stationnement, c'est important. Ah oui, c'est important, parce que les gens, quand ils vont sur Amazon faire leurs courses, quand ils sont dans leur canapé, ils ne payent pas, quoi. Quand ils vont sur le parking de Leclerc, le parking de Carrefour, le parking de Casino, ils ne payent pas. Et puis, par rapport aux clients, il y a eu comme une bouffée d'air. C'est-à-dire que l'épée de Damoclès qu'on avait au-dessus de la tête, les gens ont senti qu'elle était partie. Ça y est, maintenant, la ville, tout était en place pour qu'on puisse prendre les mesures pour refaire revivre la ville. Ça ne veut pas dire que ça allait être formidable et qu'ils ont du boulot à faire, la municipalité. Hein. Il ne faut pas qu'ils se plantent, hein, parce que l'autre, il est capable de revenir. Le résultat de la ville de Tournu en 2017, il était à zéro. C'est-à-dire que, résultat à zéro, trésorerie à zéro. Si nous continuions la même politique, un an après, on était sous tutelle de l'État, 2 ans après, nous étions en faillite, et là, il aurait fallu faire des choix drastiques. Et donc, il a fallu absolument prendre des mesures un petit peu difficiles pour la ville pour améliorer ce résultat et le faire repasser dans le vert. Qu'est-ce que vous avez fait, alors ? Honnêtement, à part quelques domaines qui ont été préservés, que sont le scolaire, l'hygiène, la sécurité et le social, et également la vie associative, tous les autres secteurs, on a serré les robinets. Et parfois d'une façon drastique, hein, c'est-à-dire que les budgets ont été diminués de 5 à 10 % sur l'animation, sur les services techniques, sur, voilà, sur les services culturels. Tout le monde a contribué, sauf les domaines que je vous ai cités précédemment, à retrouver une bouffée d'oxygène financière pour la ville de Tournu. Parce que sinon, ça voulait dire que vous ne pouviez faire aucun projet. Sinon, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas emprunter et on ne pouvait pas autofinancer puisqu'il n'y a plus d'argent pour aucun projet. Donc on n'aurait pas pu lancer une rénovation du cinéma, on ne pourrait pas construire une salle polyvalente comme on est en train de le faire, et on ne peut même pas lancer un projet de rénovation du centre-ville parce qu'on va engager 2,5 millions d'euros sur les prochaines années pour la revitalisation du centre-ville, sans argent et sans capacité à rembourser des emprunts. C'est tous des projets que nous n'aurions pas pu lancer, oui. Mais alors, ça veut dire que si le précédent maire a pu vider les caisses, ça veut dire qu'il est complètement libre? Personne ne va regarder les décisions prises par un maire? En tout cas, un maire, tant qu'il y a de l'argent dans les caisses, est libre de le dépenser à peu près à sa convenance. Encore faut-il qu'il ait une majorité pour cela. Mais c'était le cas. Le précédent maire a eu pendant 2 ans et demi, 3 ans, une majorité pour le faire. Donc, dans ces cas-là, il a dépensé l'argent comme bon lui semblait. Tant qu'il y en a, et tant que la ville n'est pas en faillite, le maire est libre. Quand même, la ville de Tournu, aujourd'hui, a subi un contrôle fiscal, et nous subissons à l'heure actuelle un contrôle de la Cour régionale des comptes. À quel sujet ? Au sujet de la gestion du budget municipal entre les années 2013 à 2017. Et justement, le compte-rendu de ce contrôle me permettra de répondre à vos questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut gérer un budget comme ça ? Je serais tenté de vous dire que oui, du moment qu'on a un mandat et qu'on a de l'argent, on le dépense comme on veut aujourd'hui en France, je crois que oui. Tant qu'on n'est pas en faillite, on fait ce qu'on veut avec l'argent public. Je reviens sur mon histoire de trésorerie, parce que je veux pas vous plomber le moral. On m'a dit surtout, faut être optimiste, faut que les gens voient une lueur d'espoir, ça suffit le pessimisme. Alors, avant de partir, j'ai vérifié, et on était à 2 140 000 euros sur notre compte. Ça veut dire qu'en faisant attention à toutes nos dépenses, on retrouve de la trésorerie, c'est-à-dire une capacité à investir. Cet argent n'a pas vocation à rester sur le compte, mais il pourra être utilisé pour faire une salle des fêtes, pour travailler sur un éclairage plus moderne la nuit, pour travailler sur un renouveau de certains quartiers, etc., etc. Et je peux vous dire que la nouvelle que je vous donne là ce soir, qui nous rassure, j'espère qu'il vous rassure tous, on ne le savait pas au mois de janvier. On ne savait pas si le bateau Tournu était redressable ou pas. On a vraiment craint le pire et on a serré les robinets dans tous les sens, il faut dire la vérité, mais aujourd'hui c'est payant. Donc il faut continuer en ce sens et il faut tenir. Chapitre 3. Constituer une liste citoyenne et gagner les élections. Jamais ça m'avait traversé l'esprit avant le mois de juin 2017, où on a commencé à Tournu à parler de cette démission et de nouvelles élections, et où mes amis de Tournujois Vivants m'ont dit « si jamais il y a de nouvelles élections, il faudra qu'on y participe, et ce serait bien que tu t'investisses dans cette liste, quitte peut-être à en prendre la tête ». Et au début, très sincèrement, j'ai un peu rigolé, je l'ai pris comme une plaisanterie. Moi, ma vie, c'était ma pharmacie, mes salariés, ma famille. J'ai jamais pris ma carte dans un parti politique. Donc j'ai déposé ma candidature comme une cinquantaine de Tournusiens, pas forcément dans l'idée de prendre la tête de la liste. Ça m'a pris quand même un petit peu plus de temps. Et au bout de 15 jours, je me suis dit, bon, je vais me présenter. Si la liste me choisit, je reculerai pas devant les responsabilités. Il y a eu 2 étapes pour construire la liste. La première, on a fait un appel à candidature. Tous les Tournusiens éligibles pouvaient candidater. Et il y a eu une cinquantaine de candidatures proposées. Ensuite, ces mouvements associatifs dont je vous ai parlé tout à l'heure ont créé un pacte d'engagement avec chacun des représentants et qui ont constitué une sorte de jury citoyen qui ont sélectionné 30 candidats, construit cette liste pour que toutes les classes d'âge, toutes les origines socio-professionnelles, tous les quartiers de la ville soient représentés. Voilà. Donc moi, je ne faisais pas partie de ce jury, mais en tout cas, maintenant, je peux vous dire qu'au bout de 8 mois, je travaille avec l'équipe qu'ils ont choisie pour moi. Et je trouve que c'est formidable. Je fais avec les gens qu'on m'a proposés, et ça marche très très bien comme ça, ce qui m'impressionne assez. Et est-ce que prendre connaissance de cette fonction qui vous était tellement étrangère, est-ce que ça a pris du temps ? Écoutez, ça peut paraître étonnant, mais non, je suis rentré dans le bain tout de suite et j'ai vraiment pas souffert pour rentrer dans la fonction. J'ai eu l'impression de tout de suite me mettre au travail, ce qui a permis de gagner du temps quand même. Le jargon des collectivités locales, vraiment c'est quelque chose que j'ai assimilé très très vite. Ce qui est plus difficile pour moi et là où je dois encore réfléchir et travailler, c'est tout ce qui est de l'ordre du relationnel politicien, c'est-à-dire les rapports entre les élus, tout ce qui va être, on va dire, représentant de collectivités élus par des élus, toutes ces strates, ce millefeuille territorial. J'ai du mal avec ça parce que je trouve que parfois, c'est pas très démocratique. En tout cas, ça correspond pas parfaitement à l'idée que je me fais de la démocratie. Et aller attraper une voix d'un élu en échange d'une parole, de participer à refaire un toit sur une salle des fêtes, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire parce que je pense toujours, moi, à l'intérêt collectif. Est-ce que le projet présente un intérêt pour la collectivité ? Si oui, je le soutiens, sinon, je le soutiens pas. Et ça, c'est une position qui est difficile à tenir parce qu'elle n'est pas classique dans la vie politique. Ce qui fait que j'ai dû arrêter pour le moment, mon activité professionnelle, c'est la situation particulière de la ville. On arrive après des secousses quand même politiques importantes, une ville qui a plus été gérée tout 2017. Je n'ai eu d'autre choix que de me consacrer pleinement à ce mandat. Quand je dis pleinement, c'est au moins 2 temps pleins par semaine, hein, c'est 70 à 80 heures. Mais si je le faisais pas, je pourrais pas réussir un mandat en 2 ans et demi. Un mandat normal, c'est 6 ans. Et nous, on va nous demander, on va être jugé sur 2 ans et demi. Donc on doit travailler double, on n'a pas le choix. Et comment vous faites alors pour gagner votre vie si vous ne travaillez alors, plus comme pharmacien ? C'est un vrai problème démocratique. J'ai la chance d'avoir une épouse qui m'a remplacé à la pharmacie. Elle travaillait à mi-temps avant. Aujourd'hui, elle m'a remplacé complètement à la pharmacie. Mes enfants ont grandi, donc ils s'occupent d'eux un peu tout seuls. Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 44 ans et j'ai 3 enfants de 16 à 8 ans. Et j'ai donc la chance d'avoir mon épouse qui continue à travailler et pouvoir nous faire vivre parce que le mandat d'un élu local maire de Tournu, net, c'est un salaire, enfin c'est des indemnités nettes de 1700 euros par mois. C'est fixé comment ? C'est par rapport au nombre d'habitants. Donc ça me couvre à peine mes frais de représentation, hein. Bien sûr que si j'étais à la retraite ou si j'avais une activité annexe de rentier, je pourrais le faire. Mais donc, vous voyez, il y a un mode de sélection par l'argent qui fait que n'importe qui ne peut pas aujourd'hui être maire d'une ville de la taille de Tournu. Et je pense que ça pose quand même un certain problème démocratique, parce que du coup, on se retrouve soit avec des classes de population qui se trouvent dans les rentiers ou dans les retraités, ou des gens qui sacrifient leur vie personnelle et qui le payent cher. Et je pense que c'est pas bon pour l'équilibre personnel et donc pour la gestion d'un mandat. Alors, on va commencer aujourd'hui par une présentation par Thierry et Marc concernant l'augmentation du prix de l'eau, si j'ai bien compris. On vous écoute. Allez-y. Alors, tu es entré tout de suite dans le vif du sujet, augmentation du prix de l'eau. Donc, c'est un avenant au contrat de délégation de service public. Et il est toujours le cinéma, c'est toujours un problème pour l'avocate, à moins que tu aies une information contraire. Mais moi, les informations que j'ai vendredi, toujours personne pour l'avocate. Ça s'arrange, l'avocate. On a les mêmes informations. Lundi matin, nous avions rendez-vous au cinéma. Oui, donc c'est arrivé au chez Sarkozy, parce que j'avais une gêne. Oui. La bibliothèque, comme ça avance bien, il faut qu'on crée un comité de pilotage. Alors, qui on met là-dedans ? En interne, il nous faut DGS, plus service technique. L'idée, la suivante, c'est que décisions à prendre et ça ne peut pas être le groupe de travail. Donc il faut faire une réunion cette semaine. Il faut qu'il y ait un tel comité qui fonctionne. D'accord. Rapidement sur les toilettes de l'école de l'Esplanade, il a été validé en commission scolaire de remonter complètement des toilettes neuves parce que les études diagnostiques ont donné des résultats catastrophiques aussi bien sur l'écoulement, canalisation que sur, bien sûr, la partie émergence, on le savait. On avait un budget de 40 000 euros pour faire ça et c'est très compliqué de tenir les budgets puisqu'on a trois projets. Tous nos projets municipaux passent par les réunions de majorité. Rien ne se décide dans un bureau entre le maire et un adjoint ou le maire tout seul. Les représentants élus du peuple donnent leur avis et les projets ne sont mis en œuvre que quand ils rassemblent une large majorité, c'est-à-dire tout le monde moins 2-3 voix. Tant qu'on n'en est pas là, on discute de la position à tenir et du projet. Ensuite, le deuxième niveau de la transparence, c'est des réunions publiques. Alors, on fait des réunions thématiques, on doit en être sur les 6 premiers mois, je vous dis de tête, hein, mais je crois qu'on est à 42 réunions publiques. Certaines sont thématiques et certaines sont générales. J'ajoute sur la transparence que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage pour nous les élus, parce que le réflexe de se garder des informations est facile, il permet d'avancer plus vite. Moins on partage d'informations, plus on avance sur les projets. Donc c'est un réflexe, on va dire, facile, même si je crois qu'il est dangereux au final. Mais c'est un apprentissage aussi pour la population. Les gens ne sont pas habitués à recevoir des informations véritables, donc ça bouscule tout le monde cette transparence. Vous avez parlé de l'extinction des feux la nuit et d'un premier bilan que vous auriez fait avec la gendarmerie. Qu'en est-il à tout le monde ? Alors je vais vous faire travailler un petit peu, je vais vous faire faire ce qu'on a fait qui nous a conduit à prendre cette décision. Comme ça, vous allez comprendre à la fois comment on travaille, le cheminement d'une réflexion et ce qui nous arrive à prendre, ce qui nous conduit à prendre ce genre de décision. Alors on va faire circuler le micro. Et tout simplement, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais à gauche en rouge, c'est les moins. Ça veut dire c'est les inconvénients, les emmerdements. Et à droite, le plus en vert, c'est les points positifs. On va faire circuler le micro. On va commencer par les inconvénients, puis après on fera les avantages. Alors, qui veut commencer par les inconvénients ? Alors, à pied, dans les endroits où les rues sont un petit peu abîmées, défoncées, ben, on se casse la figure. Risque de chute. Ensuite. Oui ? Je pense qu'il y aura moins d'insécurité, parce qu'il y a moins de rôdeurs à partir de minuit. Ouais, tu sais, tu le marques au milieu et tu marques insécurité, point d'interrogation, et puis on parlera de ça. Parce que c'est important, la sécurité. Ensuite. Ah, on dort mieux. En voiture, on roule moins vite, ce qui entraîne 35% de diminution des accidents routiers la nuit pendant l'éclairage. Donc c'est pas dangereux, au contraire. Oui. Et en plus, on lève les yeux, on voit les étoiles, alors. C'est bien. On voit les étoiles. C'est... Personne le dit, mais l'avantage principal, c'est 40 000 euros d'économie par an. C'est vos impôts, ça, hein ? 40 000 euros, cette année, ça nous permet de réparer les toilettes de l'école primaire. Donc, c'est quand même la motivation, on va dire, primaire. Josette Pelletier vit aux Sept Fontaines à Tournu, un quartier séparé du reste de la ville par la voie ferrée et la nationale, qui se sent mise à l'écart. J'ai été conseillère municipale. L'ancienne municipalité, donc de M. Jean Legros, pendant 9 ans. Donc je sais de quoi on parle, je sais comment ça se passe, je sais que c'est difficile de gérer une commune. Après Jean Legros, donc il y a eu cette élection de ce monsieur que je ne nommerai pas, qui était une pure catastrophe. Après, Dieu merci, on a notre nouvelle mairie, notre nouveau maire, qui est tout jeune, qui habite là depuis quand même quelques années, qui est pharmacien, qui connaît beaucoup de gens, qui connaît mon quartier, ce qui n'était pas le cas foncièrement des autres. Pourquoi il le connaît ? De par son métier. Il a beaucoup livré de médicaments par ici, chez des personnes âgées, chez des personnes malades. Ah, donc, de ce fait, je suis beaucoup plus proche de ce garçon qui est très à l'écoute Et de ce fait, donc moi je ne suis plus conseillère municipale sur la liste de Bertrand Vaux, mais je suis investie tout court. Je veux dire, à chaque réunion, si je peux y être, j'y vais. Si j'y vais pas, j'ai des infos. Prenez le téléphone, vous demandez à monsieur le maire, il vous répond. Hier soir, vous étiez à la réunion ? Non, justement. Mais j'ai déjà eu des infos ce matin, voyez. Vous êtes à la retraite ? Oui. Depuis peu, parce que j'ai fait partie des gens qui ont commencé à travailler à 14 ans et fini à 63 ans. Donc, depuis peu. Qu'est-ce que vous faisiez ? Je crois que j'ai tout fait dans ma vie. J'ai gardé des enfants, j'ai fait du ménage, j'ai été commerçante, j'ai fait plein de choses, quoi. Mon premier travail officiel, c'était dans une pâtisserie. Après, j'ai eu mon commerce de bijouterie, parfumerie. Ça marchait bien. Par contre, c'était une commune qui a fait comme Tournu, une commune où les commerces ont commencé à décliner, les entreprises à moins bien marcher, et ce qui fait que la clientèle s'en va. Donc vous avez fermé ? À l'époque, j'avais fermé, en 83, je crois. Après, je suis arrivée ici, et j'avais trois enfants, par contre, et seule. Donc j'ai élevé mes enfants, tant bien que mal, et j'ai commencé à travailler un petit peu à droite, à gauche. Donc je vous dis, ça a été des ménages, ça a été ce qu'on a eu appelé les TUC, après les CES. Des emplois aidés ? Des emplois aidés. Et de ce fait-là, j'ai après rencontré des gens qui voulaient, qui m'ont dit, écoute, tu vas pas rester là-dedans, on va t'embaucher. Donc je faisais beaucoup de ménage dans les collectivités. Et puis après, je vous dis, entre-temps, garder des enfants, entre-temps, aller faire des services, c'est-à-dire quand il y avait un baptême, une communion, un mariage. Donc on a toujours besoin d'une serveuse ou quelqu'un qui veuille bien faire la plonge. Donc je faisais ça le week-end en plus. Et comme ça, vous y êtes arrivé à élever vos enfants ? Oui. Avec de la bonne volonté, on arrive à tout. Hein. Vous avez combien de retraites ? Je dois avoir 800 euros. Je crois en être à 191. Trimestre. Je les ai, c'est officiel, c'est sur un papier, je peux le montrer à tout le monde. Chapitre 4. Comment renouveler la démocratie et ne laisser personne sur le côté. Et vous avez toujours habité ici, au Sept Fontaines ? Oui, j'ai toujours habité ce logement. On a été réhabilité il y a quelques années. C'est un HLM. C'est un HLM, oui. On a quand même de beaux logements, très lumineux, bien, ils sont bien faits, les cuisines sont par là. J'ai une autre chambre là-bas et une chambre de ce côté. Donc j'ai côté nord, côté sud, on est bien. Après, c'est l'environnement, c'est autre chose. Alors, je ne sais pas si je peux employer ce mot, mais bon, c'est l'impression qu'ont les gens du quartier. On est toujours les pestiférés de la ville. On est bien dans notre coin. Les autres. On n'a pas très envie de vous. On n'a pas envie de vous voir, on n'a pas envie de vous parler. Ah, vous habitez le quartier ? Oui. Ah, j'aurais pas cru, voyez ? Ah, j'aurais pas cru. Parce que vous êtes blanche ? Sans doute. Et puis que je leur parle ? Mais si je pense que si je suis un peu bronzée, un peu noire, un peu ci, un peu là, ça va de soi. Alors, on ne peut pas parler de ségrégation, il ne faut peut-être pas en arriver là. Mais ça y ressemble quand même beaucoup, ça y ressemble beaucoup. Et moi qui suis là quand même depuis plus de 30 ans, on sent quand même qu'on n'est pas foncièrement les bienvenus quelque part. Qui ont ? Nous, les habitants d'ici. Les gens des Sept Fontaines, les Cassos des Sept Fontaines. C'est précis hein, quand on parle de nous hein, quand même. Hein. C'est vrai que la nationale et la voie ferrée nous séparent franchement, délibérément du centre-ville, de la ville, des commerçants. Et on est vraiment une population à part. Quoi. On n'est pas loin géographiquement, on est loin socialement. Moi je dis ça pour l'avoir vécu, je veux dire. Et moi qui suis française et blanche, et bressane de surcroît. C'est une ville très pauvre, Tournu. Jean-Paul Pain, conseiller délégué à la démocratie locale. Il y a toute une partie de la population qui s'est paupérisée, qui s'est détachée du travail parce qu'il n'y en a pas. c'est la misère et les gens se désintègrent, se désindividuent, quoi. C'est quelque chose de terrible. Et ça, c'est vraiment l'interpellation de fond, hein. Et on ne sait pas comment s'y prendre quand on parle de démocratie. Alors là, il y a une partie de population qui est out, quoi. Et c'est qui cette partie de population ? Beaucoup de chômeurs, de jeunes. On a énormément, par exemple, de soucis, de bazar mis dans certains quartiers de la ville la nuit où les habitants se plaignent. Bon, on en parlait hier au soir. Et où on se sent bien démunis, hein, par rapport à ça. Parce que la seule réponse efficace serait qu'ils réintègrent le monde social et déjà le monde du travail. Et des formes de travail qui ne soient pas des formes dégradées sont plus humiliantes qu'autre chose, quoi. Et là, ben, on est face à un problème où, alors, quand on est dans une mairie, on n'a pas beaucoup de prise, hein, mais moi, ça me paraît le fond du problème. Et alors, vous voyez bien, les formes de démocratie participative, elles supposent que les gens soient déjà prêts à franchir ce pas-là, se sentent une légitimité à dire quelque chose d'un aspect de la chose publique, hein. Et là, on en est loin, et là, c'est un peu le... Enfin, pour moi, c'est le désarroi, hein, face à ce qui se passe. Je pense que les gens sont tellement dans leurs problèmes, dans leurs ennuis, dans leurs... employez le mot, dans leurs emmerdements, que pour le coup, ils n'ont pas le temps de voir ce qui se passe quelque chose à côté. Je veux dire, c'est la maman, elle est seule, elle a 2 ou 3 enfants à élever. C'est compliqué déjà. Elle n'est pas foncièrement française, c'est 2 fois compliqué. Le papa est absent pour X ou Y raison. Il y a des grands frères, il y a des petites sœurs, on n'a pas le temps. Et puis financièrement, on n'est pas à l'aise parce qu'on n'a pas de travail. Donc on vit de RSA, on vit d'allocation, on vit de petits boulots. Enfin, aussi de petits boulots. Vous avez 3 heures par semaine, vous avez 1 heure par jour parce qu'on vous a employé à tel ou tel endroit pour faire 1 heure de ménage. Donc, il n'y a pas suffisamment d'argent. Et du coup, ces gens-là se sentent un peu diminués, voilà, diminués vis-à-vis des autres. Alors, il n'y a pas lieu, mais bon, de dire qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, alors que ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'elle peut apporter, au contraire. Donc... L'idée de démocratie participative, là-dedans, comment elle peut prendre ? Je doute fort que l'amalgame puisse se faire, puisque même si on passe pas quand même foncièrement tous pour des méchants, pour des voyous, pour des cassos, pour ceci, pour cela, mais je vois pas comment la sauce peut prendre. Rester très vigilant parce que il faut surtout pas que lors des prochaines élections ils reviennent, parce que le promoteur, il a toujours son site internet, il y a toujours le nom de la ville de Tournu marqué dessus, le promoteur de l'espace Grand Rivage. Comment il s'appelle ce promoteur? C'est monsieur Landais. Il a plusieurs supermarchés Leclerc dans la région lyonnaise. Il y a toujours Tournu sur son site. Ah oui, vous allez sur internet, espace Grand Rivage. Si la municipalité n'arrive pas à revitaliser la ville, eh ben, ils vont revenir à la charge et ils diront, bah, vous voyez, il n'y a rien qui a été fait, il y a vraiment, nous on avait raison avec notre truc, il n'y a que ça pour dynamiser la ville, quoi. Ces terrains, c'est un peu l'avenir de Tournu, ces 20 hectares en sortie d'autoroute, il ne faut pas y mettre n'importe quoi, il faut bien qu'on réfléchisse à ce qu'on va y faire. Parce que vous allez y faire quelque chose ? Je ne sais pas encore si on va y faire quelque chose ou pas, mais en tout cas, si on y fait quelque chose, il faudra qu'on veille à ce que ça crée des emplois nets. Je vous cite un exemple. Par exemple, on est sollicité régulièrement pour y implanter des centrales logistiques. Vous savez, les trucs où les camions viennent chercher du stock, ils déposent. On est à peu près à 3 à 5 emplois par hectare de construction. On défigure complètement les entrées de ville, on artificialise les terres agricoles. Donc là, tant que je serai maire, il n'y aura pas de ça à Tournu, parce que j'estime que c'est de la mauvaise utilisation des terres agricoles. En revanche, si on y crée vraiment des emplois nets, c'est-à-dire qu'on ne détruit pas d'emplois ailleurs, qu'on respecte le paysage, qu'on respecte l'environnement, je ne suis pas contre un développement économique. Vous trouvez que qu'il se passe des choses, qu'il y a des décisions prises qui Ah ben pour le moment, ils ont montré qu'ils travaillaient toujours tous ensemble, que c'était très démocratique. Ils se sont rendus compte aussi, comme nous, que quand on décide de monter un projet, c'est très long. Cela dit, heureusement que c'est long, parce que sinon vous auriez un Leclerc. Comme vous dites, peut-être que c'est un bien. Parce que prendre du temps, ça permet de réfléchir. Et de voir certaines fois les choses sous un autre angle, je suis d'accord aussi. Cette zone, vous la connaissez la zone ? On pourrait en faire une zone verte, un parc. Avec une partie plus au nord qui n'est pas intéressante, où ils pourraient mettre quelques entreprises s'ils en ont envie. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a une mare qui n'est plus une mare, qui a pris beaucoup d'ampleur. Il y a énormément d'animaux, des insectes de toutes sortes. Et c'est Natura 2000. Et donc, quand on prend des terrains avec un potentiel comme ça, il faut retrouver une zone écologique à peu près équivalente pour transporter tout ce petit monde. Moi, ça serait à protéger pour moi. Donc, vous avez changé d'avis quand même sur l'utilisation. J'ai évolué avec le temps. Il y a un coup à boire, il n'y a pas de coup à boire, et c'est les économies encore on... Bon, je vous remercie qu'à moitié de ne pas m'avoir parlé du cimetière. On se garde la question pour dans 6 mois. Hein. Voyez. Alors, voilà, alors les coquelicots et les chardons dans le cimetière. Bon, je réponds du coup. Alors, je réponds à ça, ça intéresse tout le monde. Ne faites pas ceux qui ne sont pas intéressés, c'est pas vrai, ça intéresse. Alors, depuis le 1er janvier 2017, il y a une loi qui rentre en vigueur qui s'appelle la loi Labbé. Et l'esprit de la loi Labbé, c'est de dire on arrête de mettre des herbicides dans les lieux publics et dans les lieux de promenade. Donc tout ce qui est voirie, tout ce qui est promenade, tout ce qui est parc, c'est interdit. Concernant les cimetières, on peut interpréter la loi comme le fait Monsanto et Bayer en disant c'est pas un lieu de promenade, donc on peut continuer à mettre des produits cancérigènes. Franchement, on ne va pas dans un cimetière pour s'empoisonner. Je pense qu'il est préférable de s'habituer au chardon et au coquelicot. Tournu, putsch citoyen à la mairie. Une émission de Martine Abad, réalisée par Assia Khalid pour la série documentaire. Merci à Bertrand Vaux, Julien Farama, Jean-Paul Pin, Jean-Luc Delrieux, Gilles Lacroix, Hervé Vendroux, Marie-Claude Duxin, Isabelle Madinier, Colette Belgins, Josette Pelletier, Marjorie Doudet, Thierry Brunner, Grégor Hakenberg. Prise de son Mathieu Perrault, mixage Claire Levasseur, coordination Perrine Kervran, attaché de production Marie-Vonne Abolivier. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter dans la salle des fêtes, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 3e épisode, Le Puy Saint-André, un maire dans la transition écologique. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, L'expérience, le tout nouveau rendez-vous de la création radiophonique le dimanche soir, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.